Solo Yambanga Yambanga Na pese bamoina Yeso Yambanga Yambanga Na pese bamoina Yeso Yambanga Solo Yambanga Na pese bamoina Yeso Bongola mote mananga Yeso Bongola olofuni Bongola mote mananga Yeso Bongola Yeso Bongola Zongita mote mananga Yeso Zongita Zongita Zongita mote mananga Thank you. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce matin encore, nous te le consacrons. Cet endroit, nous te le consacrons. Nos pieds se tiennent ici, devant le Dieu vivant. Agrée la présence de chacun de nous, et maudit toute présence de Dieu. Les esprits impurs, leur présence sont maudites. Les puissances de sorcellerie, de la magie, de fétichisme, de jalousie, des envies, les liens du péché, la rébellion, qu'ils soient condamnés. Nous voulons la délivrance totale. Que le royaume de Dieu vienne. Que ton règne vienne par nous. Que ta puissance domine ce monde. Chaque frère, chaque soeur, toute l'église soit dominée par toi, Seigneur. Tu es le grand roi. Au-dessus de tous les faux dieux. Tous les petits dieux. Tu es le grand roi. Qui règne. En maître absolu. Qui domine. Que les ennemis soient mis en fuite. Que chaque démon soit mis en fuite. Que le royaume de Satan soit déstabilisé. Que le trône des démons soit renversé. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Que ta fidélité se fasse voir. Nous voulons voir Jésus. Comme hier, aujourd'hui, pour toujours. À chaque cœur, au nom de Jésus-Christ, pour sa gloire éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire la Sainte Bible, la parole de Dieu. Dans Ephésiens au chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Nous prenons le verset 10 et 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Jean chapitre 8. Yohana mokapo yamambe. Nous prenons le verset 15 à 18. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Bien, vous avez dit que ça me dit ça, le cola est à l'injoto. Lengai na kosambisa motote. Soko ngai na kosambisa ekateli na ngai ezali sembo. Poete nazali bobele ngai mokote. Kasi biso na motini na ngai kati na mibeko na bino mpe ekomami na ditatoli na bato mibale ezali sembo. Ngai nazali kotatola mpona ngai moko mpe tata motini na ngai azali kotatola mpona ngai. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Yesu na mokili na Kaisalia, na Filippo, atuni baye kolina ye ete, bato bazali koloba ete, mwana na moto azali nani. Bango balobi ete, bamususu ete, Yohana Mobatisi. Bamususu ete, Elia. Bamususu ete, Yeremia. Soko moko na bazakoli. Alobi na bango ete, ndebi no, bokoloba ka ete ngai na zali nani. Simon na Petelo, azongisi ete, yo, ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Yesu azongiseli ye ete. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe afambola botangi ya loba na ye. Nous pouvons nous asseoir pour vous qui écoutez la prédication. Il est temps de proclamer l'évangile du Dieu vivant. Et nous vous souhaitons la bienvenue ici à la table du Seigneur. Tout le monde va-t-il bien? Très bien. Amen. Comment ça va avec Dieu? Avec Dieu, avec Dieu. Tout le monde, je demande tout le monde. Comment ça va avec Dieu? Je n'entends pas. Si tout va bien, si c'est très bien, si ça va bien, alors chacun assume sa réponse. Nous poursuivons notre thème ce matin, comment éprouver un ministère, alors, à l'étape d'examiner les trois questions bibliques, pour identifier un ministère. Et nous avons dit que ces trois questions se trouvent dans trois versets précis. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Et dit-on que je suis moi le fils de l'homme. Ou qui suis-je au dire des hommes, au dire des gens, moi le fils de l'homme? C'est que les gens disent. Que dis-tu de toi-même? Dans Jean 1, verset 22, la question a été posée à Jean-Baptiste, un des prophètes bibliques. Et la troisième question, qui dites-vous, vous l'Église, vous le croyant, qui dites-vous que je suis? Matthieu 13, verset 15, je suis posé cette question directement à ses disciples. Comme moi aussi, je peux vous poser la même question. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Vous voyez ça? Ça peut être aussi ça. Marchons ensemble. Alors, mais vous pouvez aussi la question, qui dites-vous que je suis? Moi, frère David. Vous voyez ça? Vous voyez, quand vous allez vous mettre à répondre, vous verrez que chacun a sa réponse. L'un va dire, vous êtes le prédicateur du jour. Et aussi, il a raison. Dans un certain sens. Quelqu'un d'autre va se lever et dire, vous êtes un pasteur, mais je vous connais aussi maintenant. Bon, quelqu'un d'autre va se lever et dire, vous êtes prédicateur, oui, mais vous êtes un guitariste. Je vous ai beaucoup à la guitare. Donc, vous êtes aussi un chanteur. N'est-ce pas? Bon, et quelqu'un d'autre va dire, bon, vous êtes un pasteur. Et quelqu'un d'autre, autre chose. N'est-ce pas? Bon, ah oui. Yo. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Mais Ce n'est pas la question que je vous pose. Vous devez promener le micro. Vous serez vraiment étonné. Parce si on promène vraiment le micro, toutes les rangées de frères ici, et puis les rangées de sœurs, vous verrez que la question qui est simple et facile peut devenir difficile et compliquée. Et finalement, vous allez tous vous demander, mais frère David, il est qui alors? Or, quand on pose cette question, c'est par rapport à l'identité du ministère ou du don. Ce n'est pas par rapport à l'appartenance tribale, clanique, nationale, humaine. Mais c'est d'entrer dans les choses du royaume de Dieu. Parmi les dons que Dieu donne, identifier les dons précis que porte la personne. Et il faut la révélation. Jésus a posé cette question. Dans Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on que je suis? Vous êtes les miens, vous êtes en contact avec les gens du dehors. Qui dit-on que je suis? Et si on vous pose la même question, vous me donnez d'une manière ici. Vous me donnez une certaine considération, une certaine identité, une certaine conscience. Dehors là où vous causez avec les gens. Ceux qui entendent parler de nous. Qui dit-il que moi je suis? Il y aura des réponses. N'est-ce pas vrai? Même sans vous demander de me donner ces réponses. Il y a une réponse de ce que les gens du dehors disent de moi. Mais notre église ici. Ils sont du dehors là. Ils ont une dénomination, des autres. Ok. Qui a au moins une réponse? Levez-vous les doigts. Je ne vais pas vous demander de la communiquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frères. Donc les autres qui n'ont pas levé les doigts, on suppose qu'ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont jamais été mis dans une condition où ils peuvent entendre parler ce que les autres disent, mais les prédicateurs, les conditions de cette église. Parmi les soeurs, 1, 2, voilà. Très bien. Maintenant, si nous disions à tous, il y a 2 sœurs et 7 frères, ça fait 9 personnes du nombre de lettres de mon nom Tiban. Et il y a exactement 9 personnes dans l'assemblée qui ont une réponse de ce que les gens du dehors disent de moi. Ok. Maintenant, quand je suis posé la même question, qui dit que je suis, les disciples ont commencé à répondre. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venait d'être décapité. Donc Israël savait que Jean-Baptiste est mort. Maintenant, quand on demande, qu'est-ce que vous pensez de ce Jésus qui est là? La réponse directe, la première d'ailleurs. Et il vient tu es Jean-Baptiste. Donc, on venait de tuer. On venait d'enterrer. Donc Jean-Baptiste s'est réincarné. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que les gens croyaient. Je vous pose maintenant la question. Avait-il raison? Ceux qui disaient que Jésus était Jean-Baptiste. Disait-il vrai? Je suis vous dit. Il disait pas vrai. Les autres disaient, tu es Jérémie. Donc eux étaient convaincus. Jésus-Christ, c'était le prophète Jérémie. Jérémie de temps ancien. Qui était déjà mort depuis des siècles. qui était enterré dont la tombe était connue en Israël. Mais c'est Jésus-là qui le voyait. C'est Jésus qui s'en faisait comment. Textuellement Jérémie. Et cela rejetait l'idée d'après laquelle Jésus était Jean-Baptiste. Jésus qui faisait le roi de la cité. Oui, ils considèrent que ce qu'ils disent que Jésus et Jean-Baptiste sont tort. Jésus ne peut pas être Jean-Baptiste. Mais il était plutôt Jérémie. Ça, c'est Jérémie retenu. Ce que nous lisons de Jérémie, ce que nous avons appris de lui, voilà. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir en chair, et voilà devant nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Convaincu, ils en parlaient tellement. Convaincu qu'ils avaient raison. Un autre groupe de gens s'est levé. Non, Jésus, Mais c'est là son mort, nous savons qu'ils sont morts. Voilà, Jésus n'est pas l'un de ceux-là. Yes, que parce que les hommes sont là, ils sont pas les suivants là-bas. Jésus, il est Élie. Yes, c'est ça la vérité. Oh, il est Élie. Nous vous donnons l'argument. Élie n'est jamais mort. Élie n'est jamais mort. Élie n'est jamais mort. Personne ne peut identifier sa tombe. On n'a jamais appelé Israël. Donc ce qui lui dit quelque part. Et parce qu'il dit quelque part, il est prêt donc revenu. Et maintenant il est revenu. Et voilà. Cette histoire de Jésus en fait, ce n'est qu'un masque. Cette histoire de Jésus de Nazareth, hein? C'est un poids de mais sa véritable identité, lui, c'est cela. Il est Élie. Si vous n'aviez pas eu la chance de vivre en son temps, ceux qui vont venir, ils vont couper la ni de voir son visage, mais Dieu vous rend les choses faciles maintenant. Je vous pose la question. Ah, tu es bien, mon tour, là. Est-ce que Jésus-Christ était Élie? Est-ce que ça fait qu'Élie, hein? Y a-t-il même un passage de la parole qui donnait la possibilité qu'il soit Élie? Exactement. Ou Dieu le Père a-t-il parlé de lui quelque part en tant qu'Élie? Non. Il ne l'était pas. Mais ces gens-là étaient convaincus de ses croyances. Il les partageait avec les semblables. Parce qu'ils considéraient que c'était la vérité. C'est ainsi que Frère Branham nous dit. Lorsque vous trouvez deux personnes en train de s'opposer sur une vérité, sur une chose, il n'y a que deux possibilités. Soit l'un des deux qui se contredit est dans le vrai, et l'autre est dans le faux. Soit tous les sont dans les faux. Et ils s'embrouillent. Et chacun est prêt de se consoler pour se donner raison. Mais au moins devant Dieu qui détient la vérité absolue, tous les deux sont dans les faux. Et voilà un exemple biblique de tous les trois. Qui était dans les faux. Même tous les quatre, parce qu'il y a les autres qui disaient, il est l'un des prophètes. Nous refusons de donner le nom. Mais il doit être l'un des prophètes. Il s'est divisé comme ça en groupe. Et s'ils étaient au Congo Kinshasa, peut-être que chacun de ce groupe pouvait commencer une église. Parce que les Congolais ont cette maladie-là. Donc c'est une chose rouge. Ils ne peuvent pas avoir un peu plus de lumière que les autres. Ils ne peuvent pas commencer une église pour tout. Une assemblée va naître. L'assemblée de ceux qui considèrent ceci. Et on peut même donner le nom à cette assemblée. Tabernacle Jésus Élie. Tabernacle Jésus Élie. Et un autre bar, commencez notre groupe là-bas. Tabernacle Jésus Jérémie. Un autre peut aller là-bas. Par Bernacle, Jésus, Jean-Baptiste. Et vous avez la trois églises. Tous ceux qui se considèrent avoir la vérité. Mais aux yeux de Dieu, toutes les trois sont dans le fond. Parce que nous sommes dans le même sens. C'est l'exemple de votre tabernacle, Mate, vite côté goût. Le tabernacle, fondu tabernacle. Et on a même le Branham tabernacle à Kinshasa. Tout ça, continue à Branham tabernacle à Kinshasa. Branham tabernacle sans Branham. Branham, Mungoba Branham. Donc, Branham tabernacle, mais sans Branham. Branham, il était mort, il est enterré, mais eux ils sont un Branham tabernacle sans Branham là-bas parmi eux. Branham, tabernacle. Des confusions et des conflits. Tout ça c'est la crise du ventre. Il y a qu'à ébéti ma boumou yabatou, ma me commis sabaté. Des prédicateurs affamés. Qui viennent chercher des biscuits et des gâteaux. Ils veulent un petit moyen pour se marier ou pour se faire connaître. Ils n'ont pas trouvé le métier facile que celui d'être prédicateur. Et il y a toutes sortes d'églises qui naissent avec toutes sortes de noms. Pitié. Dieu n'est pas dans ces choses. Il est dans sa parole. Rabbanam dit que si vous voulez une église, repassez avec la parole de Dieu. Mais il ne faut pas inventer une théorie, inventer une foi sans révélation, et faire du bruit autour de ça, et aller commencer une église. Dieu vous détruira. Comme vous avez dit, le même Dieu que vous prétendez servir vous détruira. Parce qu'il le Dieu de sa parole. Amen. Il n'est pas un Dieu qui veut être flatté. Par de beaux fruits de Caïn. C'est impressionnant. C'est quand même nombreux, non? Nous avons fait beaucoup de croyants. Dieu ne regarde pas au nombre. Tu peux en faire 200, 300. Ce n'est pas ça que tu commandes ça à l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu au courant de la semaine que n'importe qui peut se faire de sa dette. C'est l'âge dans lequel nous sommes maintenant. Peu importe ce que les gens pensent, ils croient, ce qui est prêché, ce qui est enseigné, les gens peuvent attendre n'importe quoi à gauche de la famille. Parce que la famille spirituelle. Parce qu'il y a la famille spirituelle. La famille spirituelle. Parce qu'il y a la famille spirituelle. Donc Dieu, il est Dieu de sa parole. Une église qui est église de Dieu doit commencer par la parole de Dieu. Et il faut que ce soit la parole d'un bout à l'autre. Hein. Quand vous allez prendre la parole, alors vous donnerez pour votre compte. Il y a un Dieu là qui jugera toutes choses d'après sa parole. Et celui qui ne vient pas de sa parole, est totalement démolie. C'est une vaine gloire de courte durée. Cherchez la volonté. Amen. Cherchons le royaume. Amen. Amen. Voilà l'exemple de quatre groupes de gens qui tous dans le faux. Mais laissez-moi vous surprendre. Bien que tous pris sélectivement étaient dans le faux, à prendre chaque affirmation individuellement, mais j'aimerais vous dire qu'à travers Matthieu 16, verset 15, il y a une vérité subtile qui apparaît. Pourquoi les saints donnaient à Jésus l'identité de Jérémie, l'identité de Jean-Baptiste, ou de l'un des prophètes? Parce qu'en Jésus-Christ, c'était la plénitude de tous les prophètes. Donc, en réalité, chacun de ces groupes-là avait une portion de vérité. Mais toute la vérité. Chacun doit dire une vérité en partie. Jésus-Christ reflétait effectivement Jérémie. Et à le prendre sous un autre angle. Jésus-Christ reflétait effectivement Jean-Baptiste. Et à le prendre sous un autre angle. Jésus-Christ reflétait effectivement Élie le prophète. Et à le prendre sous un angle. Jésus reflétait chacun des prophètes. Donc, en réalité, il était l'incarnation de tous les prophètes. Parce que ces prophètes qui ont existé, c'est une portion de l'Esprit de Christ. Chacun à son temps, chacun à sa manière, a reflété partiellement Christ. Mais Jésus-Christ était la plénitude de l'Esprit de Christ. On prend un aspect ici, 1 Pierre chapitre 1. Écoutez ce que la Bible vous dit au sujet des prophètes de l'Ancien Testament. En Pierre, chapitre 1er, il est écrit ceci. Verset 10, verset 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il voulait sonder l'époque, les circonstances, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait saisie. Basakoli, Balokaki, Mpe, Batonaki, Mponani, Mobi Koyango, Bango, Basakolaki, Liboso, Iponangolu et Kumelakidino. Batunaki, Sokomoli Mona Kilisto, Ezali, Komimonisa, Elakani Nito, Elaka Namotino Nini, Ye Azalaki Katina Bango Mpe, Azalaki Otatola, Iboso, Mpona Pasi Nakiliso Mpe, Pona Kembo et Koya Sima Nayango. Voyez-vous que tous ces prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux? Est-ce toute la pleine mesure? Parce que si l'un d'eux incarnait toute la pleine mesure, c'est qu'il devait être le Christ lui-même. Mais chacun de nous pouvait refléter qu'une partie de Christ. Un aspect du caractère de Christ. Mais quand Christ lui-même est venu dans le monde, il a reflété la plénitude de son caractère. Il a manifesté la plénitude de son esprit. Le Christ en personne. Et là, que les autres annonçaient. Oh, bah, et dans Ephésiens 4, nous trouvons ceci au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous les humains, la grâce que Dieu nous donne, elle a été donnée en prenant pour mesure les dons de Christ. Et dans Jean au chapitre 1, nous voyons cette vérité se confirmer. Il est écrit dans les évangiles, au verset 16, Jean 1 verset 16, reprenons le verset 14 à 16. Et la parole a été faite chair et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jérémie avait une partie de la parole pour son temps. Jean-Baptiste avait une partie de la parole pour son temps. Élie avait une partie de la parole pour son temps. Jacques avait une partie de la parole pour son temps. Mais Christ est venu connaissant la plénitude de la parole. La parole est devenue entièrement un homme identifié. Amen, amen. Avançons. Ah. Okay. Et la parole a été faite. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrit. C'est celui dont je vous ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Oyo azali ye oyo na mobi mpona ye ete ye oyo akoya nsima na ngai abongi kotama liboso na ngai. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Tout cela et chacun en ce qui le concerne, nous recevons de la plénitude de Christ. Nous sommes dans la haute mesure de grâce sur mesure de grâce. Une mesure, c'est une portion. C'est une quantité dosée, calculée. Prise sur un ensemble. Vous voyez ça? C'est comme si vous avez un bassin d'eau. Et là, dans ce bassin d'eau, il y a beaucoup d'eau. Alors là, c'est rempli jusqu'à ce niveau ici. Et ton dipena qui non, ici kawana. Ça peut être un bassin de 15 litres. C'est gros comme cela. Mais maintenant, vous venez l'un avec une tasse. L'autre avec un gobelet. L'autre avec un verre bambou. L'autre avec la tasse de café ici. L'autre c'est avec un verre bambou. L'autre c'est un gobelet assez gros là comme. On appelle la lingala, c'est combien? Alors, chacun de peut venir puiser ici. La totalité de l'eau, c'est 15 litres. C'est ce que nous appelons plénitude. C'est l'ensemble, la totalité. Maintenant, c'est 15 litres. Mais ça, ça représente peut-être. Oui, il y a des côtés qui sont en dessous. 30 centilitres. Centilitres, tout comme ça. Et l'autre ici représente. Nous sommes en dessous, on est peut-être 150 centilitres. Mais nous sommes centilitres, et ça ici, ça représente 500 centilitres. Oui, il y a des côtés qui sont en dessous, quand même, centilitres. Voyez ça? On est en haut. Quand celui-ci vient puiser, il prend une portion. Azui, moi, il était. L'autre vient puiser, c'est ce qu'on appelle une mesure. L'autre aussi vient puiser, nous appelons ça aussi une partie. Parce qu'il ne prend pas tout. Le récipient que lui a, ne peut contenir que 150. Si vous prenez le tout ici, vous mettez là-bas, il va se remplir et le surplus va se répandre partout. Mais lui ne peut pas contenir ça. Mais lui peut contenir ça. Et il peut contenir le gros. Et il y aura une quantité qui peut aller encore ailleurs. Et ailleurs, et ailleurs. Il y a beaucoup ici dans le bassin. Est-ce que tout le monde comprend? Ceci c'est Christ. Oh, Anna, avec la... Il est la totalité, la plénitude de l'Esprit de Christ. Ça ici j'appelle Jérémie. Oh, j'ai ici j'ai dit Élie. Oh, là-bas j'ai dit Jean-Baptiste. Oh, là, Yohana, Baptiste. Par exemple, hein? Donc c'était chacun en son temps un prophète. Ils n'ont pas reçu exactement la même quantité. Mais chacun selon la mesure que Dieu a décidé. Chacun l'esprit que Dieu a voulu donner à chacun. C'est ce que chacun a porté en son temps. Alors, ici, quand vous mettez ici, ici c'est quoi? Maï. Et quand vous prenez un peu de ça, vous mettez là-bas, c'est toujours quoi? C'est que et ici encore c'est? On appelle Soussou. Toujours l'eau. Et là-bas? On appelle Soussou. C'est toujours l'eau. Et d'accord, comment? L'eau égale l'eau. Même chose, Esprit de Christ. Mais la quantité du Père et les tâches qu'on va accomplir avec différence. Celui qui a ça. C'est pas une grande quantité, non? Il n'a pas la totalité. Mais celui qui a ça, il peut boire. Et une partie peut rester. Il peut aussi laver la main. Et une partie peut rester. Et il peut nettoyer les assiettes avec. Parce que la quantité lui permet de faire trois tâches. Il boit une partie. Lui-même n'a pas la totalité. Il n'a pas la totalité. Mais avec la partie qu'il vient de donner, il peut boire, il peut s'asseoir, il peut nettoyer sa main pour lutter contre le coronavirus. Et il peut aussi aller nettoyer les assiettes. Toujours avec sa machine. Mais est-ce que c'est lui qui a que 30 centilitres? Peut-il faire les trois choses? Non. Lui, il va garder ça jalousement. Il ne peut faire rien d'autre que boire. Mais peut-être que même ça ne peut pas étancher sa soif. C'est la quantité minime. Et que pour que puisse terminer sa soif, il doit aller en prison. Une seule courte prière, il nous donne beaucoup d'effets. Mais toi, il faut peut-être 200 prières pour atteindre le niveau des effets de l'autre frère là. Pour atteindre le même nombre de résultats que ton frère était à vous. Mais ne l'envie pas, ne le jalouse pas. Ce que Dieu a fait de toi, c'est l'un des secrets pour bien réussir. Il est le Dieu de diversité. Ou pourquoi moi, avant d'avoir ne plus qu'un Nicolas, je dois prier pendant des mois. Mais c'est moi qui n'ai même pas fait ça. Il a fait une grosse prière. Et il a mis le dollar, vraiment. Ne te compare pas. Dieu, il est le Dieu de l'université. Il tire sa gloire de ce qu'il a fait de toi là. Il aime que tu sois ce qu'il a fait de toi là. C'est de cette manière là qu'il est mieux adoré. Et sans quoi Dieu était complet. Si La quantité d'onction qui a sur moi peut ne pas être la même qui a sur lui. C'est le même esprit. C'est toujours l'eau. Je me maintiens moi-même dans la victoire contre le péché avec la même onction. J'apporte aussi la prédication de l'évangile avec la même onction. Je prie également pour les malades et les malades sont guéris avec la même onction. Je passe la quantité que Dieu peut me voir donner. Je vais apporter la nourriture spirituelle et votre âme mange. Parce que c'est Dieu qui a moi, qui a voulu que je sois capable de faire ça. Je peux apporter tellement un enseignement et tu te sens enseigné. Est-ce que vous là? Mais quelqu'un d'autre peut venir à la chair. Mais il est incapable d'enseigner. Parce qu'il n'a pas cette option. Il n'a pas cette commission. Mais c'est Dieu qui lui a privé ça. Donc lui, pour que vous puissiez totaliser peut-être un enseignement, il faut 50 exhortations. C'est quand vous les mettez maintenant ensemble, vous tirez maintenant une seule leçon. Mais il a fait plusieurs tours, il est venu ici, c'est la diversité de Dieu. Et là, il nous utilise différemment. Vous dites amen. Vous aimez la vérité. Alors dans Ephésiens 4 toujours, comme on l'a dit ce matin, pour donner la prédication, il a dit ceci. Ephésiens 4, le verset 10 et 11. C'est lui qui est très saint. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de faire quoi? Afin de remplir toutes choses. C'est lui qui doit remplir les choses. Amen. Lui, il est la source du remplissage. Amen. Et les autres sont les bénéficiaires du remplissage. Lui, il est la fontaine intarissable. Et les autres sont des vases limités circonscrits. Alléluia. Dieu est bon. C'est lui qui est monté au-dessus là-bas. Il a parlé de la position très élevée. Il peut remplir cette chose. Il regarde des Gédéon. Il lui met cette quantité. Il regarde des Timothée. Il le met cette quantité. Il regarde dans Angela. Il le met cette quantité. Il regarde dans Sona. Il le met cette quantité. Il regarde Zouzi, il met cette quantité. Il regarde Mabambu, il met cette quantité. Dieu, à partir de la position là-bas, il est souverain. Si tu veux plus, il peut ajouter. Mais il faut que tu aies la capacité pour supporter. Si ça déborde, tu vas craquer et même mourir. Si tu n'as pas la constitution pour supporter. Quand Dieu fait de quelqu'un un messager, il donne une mesure supérieure. Parce qu'avec ça, il doit porter le message pour tout l'âge. Et le message qui va rencontrer les besoins des gens qui vivent dans toute une génération, une succession d'années. Ce n'est pas n'importe quoi ça. Qui doit répondre à chaque situation de l'âge concerné. Le message du va la solution et les réponses appropriées. Alors, il faut une quantité, une dose vraiment supérieure. Et le messager ne va pas égaler Christ. Il n'est qu'un serviteur qui reçoit selon la mesure du don de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et maintenant quand il appelle quelqu'un être apôtre, il faut placer sur lui cette onction pour affronter tous les défis. Et Il est équipé. Et si Dieu constate que l'ennemi redouble d'efforts, et qu'il envoie une plus grande quantité de démons pour nettoyer les serviteurs, si plein qu'on va, il les recharge encore, et il entoure des anges pour écraser la rébellion. Nul ne peut le vaincre. Ni en intelligence, ni en stratégie, ni en puissance, ni en capacité. Il est au-dessus de tout. Dites-le. Il est au-dessus de tout. Et il est au-dessus de tous. Notre Dieu est saint. Sachez que c'est évident. Celui qui croit verra la gloire de ce Dieu. Qui verra ce Dieu, il est au-dessus de tout. Mais de toutes les choses qui te malmènent, qui t'asphyxient, qui te font arriver à bout. Mes chers amis, vous verrez même que Branham à un moment, dans son ministère même, est arrivé aussi à bout. Mais assurez-vous, la recharge est venue d'en haut. Dieu est venu avec une autre nouvelle portion, une autre qualité de fonction ministérielle. Il est Dieu. Il sait comment prendre soin de son don, de son vase, de son instrument. Il le sait ça. Il y a une question ici. Alors qu'on a bien aimé pasteur, que dire des gens qui disent que toute la plénitude de Dieu était en frère Branham? Il se réfère à quoi? Bon, ils ont des citations qu'ils déforment. Mais ils n'ont aucun verset biblique pour ça. Parce que le verset qu'ils tentent d'utiliser, c'est Luc 17:30. Mais ils le comprennent et l'expliquent de sa manière. La plénitude, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, lui Jésus-Christ, dans Ephésiens 4:11, il a donné les actes comme apôtre les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi est-il dit partout là comme quand Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit descendu du ciel comme une colombe. Ce n'était pas que Jean a vu une colombe survoler là-bas. Avec des ailes bleues ciel. Ce n'était pas une colombe qui montait. Mais c'était la colonne de feu. C'est là qu'il conduit la moto. Le Saint-Esprit venait comme colonne de feu. Comme elle tournoie toujours quand elle est dans les mouvements. C'est comme un tourbillon. Il a vu descendre et l'a comparé à un vol de pigeons de colombes. Et les yeux de Jean-Baptiste n'ont pas vu une colombe avec les ailes comme les témoins de Jean-Baptiste dessinent. Et les catholiques dessinent une colombe. On a dit comme une colombe, on n'a pas dit que c'était une colombe. Il faut dessiner Jésus au Jourdain. On dessine le Fils de Dieu. Et puis au-dessus de sa tête, on dessine une colombe. Et Dieu le Père est au ciel en train de parler. C'est une image fausse. Ils sont en train de dessiner Dieu au ciel en train de parler. Et puis ils dessinent une colombe sur la tête de Jésus. Ou parfois sur son épaule. Ils disent que la colombe c'est ça le Saint-Esprit. Jésus c'est le Fils de Dieu. Et Dieu le Père était au ciel. C'est la Sainte Trinité. Et ça lui présente un pic. C'est une Trinité impie. Dieu n'est pas trois personnes. Le jour du baptême de Jésus, le corps de Jésus était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de colombe là, c'était Dieu le Père. Et il est venu entrer en plénitude dans le corps du Fils. Il n'y avait pas trois personnes là-bas. Il n'y avait qu'une seule personne. La personne de Dieu. Qui a éteint l'humanité. Qui a revêtu le corps humain. Appelé Jésus-Christ. Toute la plénitude de Dieu. Imaginez. Alors, il donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, qu'il a donné comme évangélistes. Parce que le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable évangéliste, le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Les autres sont donnés comme. Et ils sont plusieurs. Mais ils doivent refléter Christ. Ils vont refléter Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu soit béni. Il faut que Christ travaille par les canaux. Car le ministère, nous cessons de le dire, n'est pas l'homme de chair, mais c'est l'Esprit de Christ opérant à travers l'homme. C'est ce que dit Christ à travers le vase. Et le ministère, c'est le ministère de l'Esprit. Maintenant, la petite question qu'on peut se poser. Vous savez que Frère Branham n'est plus en vie. Il nous a déjà quittés. Dieu l'a quitté. Il nous a déjà quitté. Le message reste. Mais si nous posions une petite question. Frère Branham, que dis-tu de toi-même? Olobini nanti na yomoko. Frère Branham. Que dit-il de toi-même? On ne va pas la poser à Frère Branham directement. Aujourd'hui, sauf que plus en volant, il ne saura pas nous répondre. Il est dans un monde où il ne peut plus avoir part à tout ce qui se passe sous le soleil, dit l'Église. Nous sommes dans le monde sous le soleil. Mais lui est allé dans le monde où il ne peut plus avoir part à tout ce qui se passe sous le soleil. Que dit-il de toi-même? Nous allons poser cette question directement à Frère Branham à travers ses brochures. Il ne peut nous répondre ce qu'il a dit de lui-même dans les brochures, dans les bandes du message. On peut lire. Je fais même un petit exercice là. Je fais un exercice de comptage. Et dans le message de Frère Branham, nous avons à disposition 1208 prédications. 1208 titres. Il a dit 29 fois, je suis un missionnaire. Parlant de lui-même. Dans toutes les prédications qu'il a prêchées. C'est un petit exercice humain. Révélation qui est de lui-même a révélé quelque chose. Un petit exercice de concentration du message. 29 fois. Dans les différentes prédications, il se présente comme étant un missionnaire. 11 fois, il a dit je suis missionnaire sans utiliser l'article. Article indéfini 1. Donc, en anglais c'est E. L'article E. Comme on dirait, I am. Missionnaire. Voyez pas? Oui, et aussi on dit I am. Missionnaire. Voyez, mais la pensée est la même. Si c'est je suis missionnaire, mais là c'est je suis un missionnaire. Mais la chose en commun c'est missionnaire. Il s'est présenté comme missionnaire. Hein? Autant de foyers. Il a dit. Alléluia. Alors, deux fois. Deux fois c'est. Il a dit, je suis un missionnaire évangéliste. Deux fois. Ça, c'est peuple en parlant de lui-même. Je suis un missionnaire évangéliste. Je suis un évangéliste. Deux. Bon, évangéliste et missionnaire, le mot missionnaire veut dire apôtre. Hein? Le mot missionnaire veut dire apôtre. Ça veut dire un envoyé. Et le mot apôtre veut dire un envoyé. Le missionnaire aussi, un envoyé. Les missionnaires sont les apôtres. Ici dans Ephésiens 4, verset 11, le Seigneur a donné les ailes comme. Alors, on en parle de lui. Je suis un missionnaire. Il dit aussi, je suis un évangéliste plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais associer la pensée de missionnaire à l'évangéliste deux fois. N'est-ce pas vrai? Ouais, soyez là dans le message. Mais non. Quand à savoir, est-ce qu'il est prophète ou il n'est pas prophète? Écoutez un peu ce qu'il dit. Dans le message de notre temps, message, parole de l'histoire. Frère Branham, que dit-il de toi-même? Oh, miséricorde. Que le Seigneur nous aide ici à voir clair. Ok. J'aimerais lire quelques déclarations. Où il vous dit carrément, prophète, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Et ensuite, nous allons encore revoir cet aspect des choses. Ok. Il dit, dans le serment, la preuve infaillible de la résurrection. Prêcher le 14 janvier 1957. Le paragraphe 102, première partie. Il dit, je ne prétends pas être un prophète. Je suis juste son serviteur. Et je ne pourrais pas être un. Je ne suis pas un prophète. Nazali Mosakolité. Il dit amen. Je ne prétends pas être un prophète. Je suis juste son serviteur. Je ne suis pas un prophète. Nazali Mosakolité. Mais je suis juste son serviteur. Les dons de connaissance, ou je ne sais comment vous voulez appeler cela, c'est le don de Dieu. Et c'est par la grâce qu'il l'a donné. En effet, je n'avais pas de mérite dont cela est venu. Voilà. Il dit, je ne prétends pas être prophète. En termes de prétention, il ne les prétend pas. En termes d'identité aussi, il dit, je ne suis pas un prophète. Êtes-vous là? Vous allez voir? Ici dans le sermon, le sceau de l'Antichrist. Prêcher le 11 mars 1955. Le paragraphe 30, première partie. Et je dis, eh bien, frère, je voudrais vous dire quelque chose. Et je dis, je ne suis pas un prophète. C'est ça. C'est ce que les gens disent. Que dit-il de toi-même? Vous entendez? Il dit, lui, il n'est pas un prophète. Mais cette identité-là, cette appellation de prophète, c'est ce que les gens. C'est quoi? Le quoi là? Si on posait la question, qui dit-on que je suis? Souvent, les gens disaient qu'il était un prophète. Mais lui-même, que dit-il de lui-même? Je ne suis pas un prophète. Mais ça, c'est ce que les gens disent. Ils disent que je suis un prophète. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Parce qu'il faut connaître la vérité. Et j'ai dit, je suis simplement son serviteur. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans la bonne voie. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Alors, dans le sermon, elle était moussakoli. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 14 décembre 1963. Après l'ouverture de cette somme. Si madame le paragraphe 155. L'autre jour, quelqu'un a dit, eh bien, nous croyons que vous êtes un prophète. Vivez-vous la citation? L'autre jour, quelqu'un a dit, il est venu dire à Frère Branham, nous croyons que vous êtes un prophète. Écoutez lui-même, je n'ai jamais dit cela. Il dit amen. Amen. Mais il nous l'a dit, nous disons amen. Vous n'allez pas commencer des discussions. Yo, man, le pasteur, vous vous en prenez pas à moi. Yo, prenez le message. Bon, l'autre jour, quelqu'un a dit, vous eh bien, nous croyons que vous êtes un prophète. Vous avez dit que vous êtes un prophète. Ça, c'est lui avec les gens qui étaient avec lui. Voilà, et d'ailleurs, il y en a pas tant que le bonheur. Et vous croyez que Branham était un prophète? Maintenant, Branham, qu'est-ce que tu dis de toi-même alors? Non, Branham, c'est comme une lettre. Écoute ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je n'ai jamais dit cela. Nous n'allons pas en notre paix. Je ne le dis pas. Nous n'allons pas en notre paix. Je ne suis pas un prophète. Nous n'allons pas en notre paix. Je suis juste un serviteur de Dieu qui essaye ici de vous dire la vérité. Êtes-vous là? Vous avez bien? Si vous dites frère Branham est missionnaire et la communauté, lui-même l'a dit. Vous dites frère Branham est évangéliste, lui-même l'a dit. N'est-ce pas? Mais maintenant, prophète Moussa, il ne le dit pas. Il ne le présente pas. Il ne l'est pas. Mais pourquoi seulement prophète? On doit éviter ça. Il est en train d'éviter absolument. Écoutez la raison. Il est dans le discernement. Je prends une prédication intitulée N'ayez pas peur, c'est moi. Prêché le 23 janvier 1961. C'est avant l'ouverture des sceaux. Le paragraphe 71, deuxième page. Très bien. Il est dans le discernement. Quand les gens viennent pour que leurs problèmes soient dévoilés. Vous savez que chaque fois qu'il y avait discernement, le Seigneur mettait en scène une onction particulière. L'ange descendait. Alors, frère Bernard lui m'a distingué. Il dit que ce n'est pas avec l'onction avec laquelle on apporte la prédication qu'on peut exercer le discernement. Donc c'est deux fonctions différentes. Mais c'est toujours l'Esprit de Christ. Mais pour deux textes différents. Ok. Dans ce discernement, il y a quelqu'un devant nous. Il nous pose une question. Croyez-vous que je suis son prophète? Dans le discernement. Il demande à la personne, avant de lui dire quel est le problème de sa vie, pourquoi il était venu dans la ligne de prière. Il lui pose la question. Croyez-vous que je suis son prophète? Écoutez, aussitôt après, ou plutôt, je vais dire, son voyez-vous, plutôt, pas prophète, son serviteur, quelle est la raison? Cela achoppe certaines personnes. C'est donc, il refuse de l'identifier comme un prophète, parce que le fait de s'identifier comme un prophète, cela achoppe certaines personnes. Et lui, il ne voulait pas achoper les gens. Est-ce que c'est clair et simple? C'est clair et simple? Je ne suis pas un prophète. Je ne suis que son serviteur. Voyez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous qu'il se rétablira? Il est très nerveux, n'est-ce pas? Donc la personne pour laquelle il était venu là, dans la ligne de prière, il souffre du cœur, de l'hypertension, et il boit. Partez, croyez, c'est de votre mari que je parle. Portez-vous bien et ayez foi en Dieu. C'est clair, mes amis? Pourquoi il refuse de s'identifier comme prophète? Parce que cela achève certaines personnes. Il y a une déclaration où il a dit, oh, il y a les gens qui disent, le Branham essaie de se faire passer en avant comme étant un prophète de Dieu. Et puis les gens murmurent, ça choque comme pas possible. Après nous communiquer, c'est bon, nous sommes à tout, avant de vouloir pas prophète. Mais alors, non, mes frères, je n'ai jamais dit que je suis un prophète. Non, le bâtiment est un prophète. Je ne suis pas non plus. Je suis votre frère. Je suis un évangéliste. Je suis un missionnaire. Là, c'est pas vous. Évangéliste, oui. Mais prophète, vous pas connu. Mon Jésus. Je fais encore un exercice. Je partage avec vous cet exercice. Ce n'est pas une révélation. Ni une inspiration particulière. Plusieurs fois dans les discernements. Votre propre âme est en train d'exercer. Comment ça s'exerce ici? Donc là où je vous donne ici, il a rectifié un peu. Plusieurs fois dans les discernements. Quand il est sous ses fonctions là, il a eu à poser la question des reste au candidat. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Question directe. Avant de révéler le problème du président. Et cette question est revenue 123 fois. Mutuna wana ezengrama ki penza mbala. Pour donner accès à ce que ce problème soit dévoilé, devait dire oui, amen. C'est alors que ça ouvre l'accès de ce qu'il est de sa vie. Donc, il était comme contraire de reconnaître qu'il est le prophète de Dieu. Sans quoi, il n'y a pas de solution à son problème. Il y a une réalité pour le problème. Amen. Et Dieu a raison dans la Bible. Hein? C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. Recevra la récompense du prophète. Les avantages de son ministère. Vous ne pouvez pas les recevoir. Si au départ vous ne reconnaissez pas sa qualité de prophète. L'évangile de Jésus-Christ. Matthieu 10. Voyons ici dans Matthieu chapitre 10. Oh mes amis. Matthieu chapitre 10. Le verset 40. À 42, la distinction en fait, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, c'est lui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas de récompense. Et pas une amoko n'a pas au niqué. Poète Azali Moyekoli, solo Nazali Kolomanabino. D'après le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand vous recevez quelqu'un et que vous vous attendez à être payé par Dieu, récompensé par Dieu, vous devez savoir en quelle qualité vous l'avez reçu. Si c'est injuste, que ce soit clair, que ce soit clair et injuste. Vous l'avez reconnu et reçu parce qu'il est un disciple du Seigneur. Et si c'est un prophète, mais ne le comprenez pas au simple disciple. Mais il ne va plus après tout, tu es quand même au disciple. Si tu veux les avantages, bénéficier de sa qualité de prophète. Le Seigneur dit que tu dois les recevoir comment? En qualité de prophète. Sa qualité doit ressortir clairement. C'est alors que la suite vous parviendra. Alors, 123 fois. La question. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Voilà. Non pas que lui dit qu'il est le prophète de Dieu. Mais il vous demande si vous croyez que lui est le prophète de Dieu. Mais il n'a pas dit je suis le prophète de Dieu. Il vous demande vous. Si vous croyez ça. Vous pouvez nous garder la parole fidèlement? Amen. Il dit, je n'ai jamais dit que je suis prophète. Non, non, non. Et il a raison qu'il dit. Il n'a jamais dit qu'il était prophète. Non, non, non, non. Ça, c'est ce que les gens croient. Quelqu'un est venu, il lui a dit ça. Non, quoi, a nous, nous croyons que vous êtes prophète. Et lui, il répond, je ne suis pas un prophète. Je ne l'ai dit pas, je n'ai jamais dit ça. Non, non, non, non, non, non. Mais maintenant, vous voulez que nous puissions dire du Seigneur? Qu'on dévoile vos maladies? Qu'on vous donne la solution? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? La question est à vous. Et c'est à vous de donner la réponse que vous avez. C'est comme Jésus aussi a dit. Bon, vous me demandez, qui dit-il de toi-même? Mais vous. Qui dites-vous que je suis? Mais c'est que vous êtes la Yo, Zo Yakawa. Yo, Odimi Ginazanan. Parce que c'est en fonction de ça que tu seras bien servi. En connaissant la qualité de celui qui te sert. Amen. Tu ne peux pas venir seulement voir que puis dire non, c'est un serviteur de Dieu. Non. Il faut identifier la qualité. Parce qu'il y a un Dieu de diversité. Tous les dons ne font pas exactement la même chose. Chaque don a ses particularités. Et vous devez reconnaître ça.